Le vœu de Nadia par Henri Gréville, chapitre 1er. Le prince Aubine fumait sur la terrasse son cigare d'après-dîner. Étendu dans un rocking chair de bambou, il se balançait nonchalamment en regardant le paysage doré par les rayons du soir. Sous ses yeux s'étendait le golfe. La rive droite s'estompait dans une vapeur rosée, où se dessinaient à peine en plus foncé les masses granitiques de la côte de Finlande. L'eau bleue venait clapoter doucement sur le rivage en bas de son jardin, dont les grandes avenues descendaient jusqu'à la mer. À droite, la ville de Peterhof s'étalait en amphithéâtre, déployant l'animation factice des villes d'eau, où l'on se hâte de vivre pendant les 3 mois de la belle saison. Les bateaux à vapeur qui font le service de Pétersbourg fumaient et grondaient auprès de la longue estacade, déposant de nombreux passagers, venus pour entendre jouer la musique dans les jardins impériaux ou pour passer la soirée près de quelque ami. D'élégants uniformes d'officiers de toutes les armes parcouraient le quai. Les robes claires des femmes semblaient autant de fleurs sur la sombre masse de verdure du parc, et toute l'exubérance de la vie mondaine russe semblait se résumer dans ce coin de terre. À gauche, les villas clairsemées dans les feuillages, la côte fuyante qui semblait se dérober à l'étreinte de la mer, reposaient le regard et l'esprit. Le prince était blasé sur le spectacle de la ville. Peut-être l'était-il encore davantage sur celui de la mer et du paysage. Mais sûrement il ne l'était pas sur le charme d'un café brûlant et délicieux, d'un cigare exquis, d'un fauteuil confortable. C'étaient des jouissances dont, loin de s'amoindrir, l'intensité semblait s'augmenter avec l'habitude. Aussi s'étira-t-il dans son fauteuil, avec un petit frisson de béatitude, au moment où sa tasse de café vint se poser comme par enchantement près de sa main. « Oh, le vilain père qui ne me dit pas merci !» fit une voix railleuse en même temps qu'une douce main caressante se posait sur l'épaule de Rubine. « C'est toi, Nadia ? » fit celui-ci en se retournant. « Oui, c'est moi. Est-ce que votre café serait bon s'il était versé par une autre main que la mienne ?» Le prince prit la main de sa fille, l'examina attentivement, en fit tourner les bagues, puis regarda en souriant le joli visage penché vers lui et répondit « Non, c'est clair. Que fait-on ce soir ? On va à la musique. Il y a une quantité de belles promesses sur le programme. Les grandes eaux jouent et on les éclaire à la lumière électrique. Avec cela, un superbe concert. Que de splendeur. Alors nous y allons ? Certainement. J'ai dit d'atteler pour 9 heures. La calèche et les chevaux Isabelle. Très bien, fit nonchalamment le repère. Assieds-toi, Nadia. Tu m'empêches de voir un bateau qui arrive à Kronstadt. La jeune fille se retourna vivement, mit la main sur ses yeux, que le soleil aveuglait, et regarda le grand navire qui, après quelques manœuvres habilement exécutées, s'arrêta devant la forteresse de granit. Un fourmillement de barques se produisit immédiatement alentour. Le prince allongea la main vers la longue vue qui ne quittait pas cette place et observa un moment le lointain. « Je ne sais pas ce que c'est que ce bateau, » dit-il après un mouvement d'attention. « Quelque Allemand ?» dit négligemment sa fille. Ils causèrent un instant de choses et d'autres, puis Rubine reprit sa longue vue. « Regarde donc, Nadia, voici un petit yacht à vapeur qui vient ici. » En effet, un élégant bateau de plaisance traversait le golfe et se dirigea à toute vapeur vers Peterhof. Le pavillon flottait à l'arrière, trempant parfois dans l'eau bleue, et une flamme voltigeait au haut du mât. « Je parie que c'est Kortzoff, » s'écria joyeusement le prince. « C'est Kortzoff, retour d'Allemagne. Il est venu par bateau pour se trouver à Peterhof dès son arrivée. Il s'est fait chercher par son yacht. » « Cela lui ressemble bien. »« Mais Nadia, si c'est Kortzoff, il serait ici avant 2 heures. »« Il ne lui faut pas si longtemps, » dit tranquillement la jeune fille, qui tournait le dos au golf. « Accorde-lui le temps de faire un peu de toilette, » fit observer son père. « Il peut accomplir cette opération à bord de son yacht, » répondit Nadia du même ton froid. « Comme tu te montres indifférente, » s'écria le prince en déposant la longue vue et en regardant sa fille. « Je m'étais figuré que tu avais beaucoup d'amitié pour lui. »« J'ai beaucoup d'amitié pour Dimitri Kortzoff, » répliqua la jeune fille. « Mais mon amitié, vous le savez, mon père, ne s'exprime pas à la façon de celle des chiens, qui font 100 tours en aboyant autour de l'objet de leur tendresse. »« Oui, je sais, tu es pour les sentiments concentrés, » fit le prince avec un peu d'ironie. Il reprit la longue vue et observa la marche du yacht qui se rapprochait rapidement. « Attends, nous allons bien savoir si c'est Kortzoff. » Un coup frappé sur un timbre placé sur la table appela un domestique. Rubine lui donna ses ordres et descendit de la terrasse dans le parterre situé à quelques marches au-dessous. De là, une trouée habilement ménagée dans le sommet des arbres du jardin permettait de découvrir une partie du golfe. Au bout de quelques instants, un pavillon gigantesque qui portait sur fond rouge les armoiries des Roubines se développa sur le toit de la villa et monta majestueusement jusqu'au sommet de la rampe. La détonation d'une petite pièce d'artillerie répondit à ce signal. Nadia put voir la fumée blanche s'envoler de l'arrière du yacht, et la flamme du mât monta et redescendit rapidement. À son tour, le pavillon princier descendit et remonta trois fois, puis s'abattit, comme un oiseau qui replie ses ailes et disparut. « C'est lui !» fit joyeusement le prince. « Il a répondu tout de suite !» Je présume qu'il avait aussi sa longue vue braquée sur la terrasse. Hé, Nadia !» Nadia ne répondit rien. Le coup de canon avait amené à ses joues pâles une rougeur légère. Elle se détourna et cueillit de roses un rosier véritablement fabuleux, produit unique et sans prix de la serre célèbre de Roubine, transplantée dans le parterre pour charmer les yeux et l'odorat pendant quelques jours, puis y mourir et se voir remplacée par un autre. Une calèche attelée de deux chevaux bais, irréprochable de forme et d'allure, passa rapidement sur la route. Le prince se retourna à temps pour les entrevoir ou plutôt les deviner à travers la grille. « Et voilà l'équipage de Kordzov qui va le chercher au débarcadère. C'est très amusant. » Dit Nadia, le coup de canon n'était peut-être pas pour nous. C'était peut-être pour ses chevaux. « Si les ordres n'avaient pas été donnés d'avance, » répondit la jeune fille de son ton froid, « on n'aurait pas le temps d'atteler si vite. »« Ah, très judicieux, » fit le prince en regardant sa fille du coin de l'œil. Un de ses passe-temps favoris consistait à la taquiner discrètement, sans paraître y mettre d'intention ce qu'il faisait à merveille. « Changes-tu de toilette pour aller à la musique ?» reprit-il après un court silence, pendant lequel Nadia avait cueilli une poignée de fleurs, qu'elle laissa tomber à ses pieds quand elle se retourna pour l'écouter, ne gardant la main que les deux roses. Elle jeta un coup d'œil sur sa robe de batiste blanche couverte de dentelles et répondit par un signe de tête négatif. « Je me suis habillée avant le dîner, » ajouta-t-elle. « Je le sais, mais je pensais que tu aurais peut-être modifié tes projets. » continua le prince, sur le même ton de léger persiflage. « Pourquoi donc ?» demanda Nadia, en le regardant bien en face, avec une lueur hautaine dans ses beaux yeux gris foncés. « Je t'adore, ma fille chérie, » fit le repère en l'attirant à lui pour l'embrasser. « Je suis un père terrible, je voudrais tout savoir. »« Vous savez tout, » répondit-elle avec une franchise très noble. « Tout deviner, alors, » continua Roubine en passant le bras de sa fille sous le sien. « Deviner avant que tu saches toi-même. » Nadia baissa la tête, le prince continua. « Je suis à la fois ton père et ta mère, ma Nadia chérie. J'ai peur de ne pas t'aimer assez, ou de t'aimer mal, ou de t'aimer trop. Si ton admirable mère vivait, je serais tranquille sur ton bonheur. Mais puisque nous l'avons perdu, il faut nous aimer plus, d'abord, et puis avoir plus de confiance encore l'un dans l'autre. Mais je ne suis pas fait pour attirer ta confiance, Nadia. « Oh, mon père !» fit la jeune fille avec reproche, en s'inclinant pour baiser la main qui retenait la sienne. « Je veux dire que je suis un père trop jeune, un peu taquin, que je ne suis pas l'homme absolument sérieux et patriarcal qui représente l'idéal du père. Je n'ai rien du confesseur, moi, Nadia. J'ai plutôt l'air d'un camarade. C'est vrai. Au milieu de ces jeunes gens qui te font la cour, je me sens aussi jeune qu'eux, et quand ils te font un compliment, pour te dire que tu es gracieuse ou spirituelle, je me dis souvent qu'ils le font mal, et que je le ferais mieux. » Avec plus de grâce et parfois plus de vérité. Avoue, Nadia, que je suis un père bien bizarre. Du tout, reprit la jeune fille, en levant vers le prince son beau regard plein de tendresse filiale. Vous êtes un père adorable et un père adoré. Et toi, tu es la plus charmante des filles, répliqua Roubine en la regardant avec orgueil. En effet, Nadia Roubine était une des plus belles personnes de la cour, grande et mince, avec cette flexibilité de roseau qui est un si grand charme chez les jeunes filles russes. Elle portait fièrement la lourde et épaisse couronne de cheveux bruns dorés qui paraît sa tête. Ses yeux magnifiques n'avaient jamais menti. Quand la politesse l'obligeait à se taire, il protestait en dépit d'elle contre cette violation de la vérité. Sa bouche, un peu grande, était d'un dessin ferme et pur, et son sourire découvrait des dents larges, légèrement écartées, mais parfaites de forme et de couleur. Avec cela, la jeune princesse Roubine possédait un sentiment artistique naturel qui lui faisait redouter les excès de mauvais goût dans sa toilette et dans tout ce qui l'approchait. Aussi ne manquait-elle ni de flatteur ni d'envieux. Il s'était arrêté sur la terrasse, et Nadia regardait la mer, qui changeait de couleur à la lueur décroissante du jour, lorsqu'une voiture s'arrêta devant la villa, et les chevaux, devenus soudain immobiles, firent danser le métal de leur gourmette. Presque au même instant, Dimitri Kortsov apparut dans l'embrasure de la porte vitrée qui communiquait avec la terrasse. « Bonjour, prince. J'ai aperçu votre signal. Je me permets de venir vous remercier. » Il s'inclina devant la jeune fille, qui lui présentait sa main, et la porta respectueusement à ses lèvres. « Rentrons au logis après une absence de 4 mois, » dit-il. « Vous ne pouvez pas vous figurer combien la vue de votre pavillon m'a fait battre le cœur. »« Plus que celle du pavillon national ?» demanda la jeune fille en fronçant légèrement les sourcils. « Ce n'était pas du tout la même chose, » répondit le nouvel arrivé avec un sourire lumineux qui saillait fort bien à son visage intelligent et brave. « Le pavillon russe, c'était la patrie. Le vôtre, princesse, c'était l'amitié. » « Il n'a pas osé dire la famille, » fit le prince en riant, pendant que Kortsov rougissait et que Nadia détournait la tête d'un air mécontent. « Il n'a pas osé parce qu'il a une sœur féroce qui est jalouse de tous ses amis. Toujours jalouse, la comtesse, hein ?»« Toujours et plus que jamais, » répondit Kortsov en riant aussi. « Mais cela ne m'empêche pas, cher prince, de vous aimer comme un parent. Au fond, ma sœur le sait bien, et elle en est enchantée. Je ne vous demande pas comment vous vous portez. » « L'air de la mer vous sied à merveille, princesse. »« Quel aplomb d'appeler cela la mer, » fit Robin, « un petit bras de golf, sans marée. »« Mais non, sans tempête, » interrompit le jeune voyageur. « Voyons, prince, soyez indulgent, et laissez le monde s'arranger de ce qu'il a. C'est de la philosophie, cela, n'est-ce pas, princesse ?» Nadia sourit et ne répondit pas. « Vous viendrez à la musique tantôt ?» demanda Robin, au moment où Kortsov allait les quitter. « Certainement. » Sans cela, je ne me serais pas tant pressé. Je passe chez moi pour y jeter un coup d'œil et je vous rejoins. Vous y allez, sans doute ? Nadia fit un signe de tête affirmatif. Le jeune homme s'inclina devant elle, serra la main de son père et, l'instant d'après, la calèche passa devant la grille du jardin au grand trot de ses superbes chevaux. Robin regarda sa fille du coin de l'œil. Elle paraissait très calme. Une légère rougeur teintait ses joues, ordinairement d'un ton mat. « Comment le trouves-tu ? Demanda-t-il en passant le bras de Nadia sous le sien. « Mais, mon père, comme à l'ordinaire, » répondit-elle tranquillement. « Un peu allé, mais c'est assez naturel. On dit qu'un voyage en mer produit toujours cet effet. » Le prince, désappointé, quitta le bras de sa fille et fit 2 pas vers le salon. « Voulez-vous un peu de musique, mon père ? » lui dit-elle en le rejoignant aussitôt. « La calèche est avancée, » dit un valet de pied sur le seuil du salon. Nadia mit un coquet chapeau de paille, s'enveloppa d'un léger burnous brodé d'or et monta dans une élégante voiture basse que connaissait bien toute la brillante jeunesse de Peterhof. Son père s'assit auprès d'elle et ils roulèrent vers le parc, entraînés rapidement par 2 chevaux Isabelle, uniques en Russie cette année-là et sans prix.